Chaque journaliste rêve d'avoir un scoop majeur dans sa carrière, mais mon invité en a eu deux dans la même année, deux scoops majeurs, probablement qu'il peut se vanter avec fierté. Et l'un d'eux, ben, c'est Guy Lafleur, son retour après 4 ans. Et pour se rappeler de ce scoop merveilleux que Tom Lapointe avait obtenu, on lui parle. Salut Tom! Salut Danny. Tom, avant de parler de ton scoop, que c'était, moi je m'en rappelle très bien, c'est deux scoops dans la même année. C'est normalement, chaque journaliste rêve d'en avoir un au moins. Toi, tu en as eu deux. Fait que c'est déjà très. Ça veut dire comment t'avais de bonnes sources à l'époque. Comment tu as réagi face au décès de Guy Lafleur? J'imagine que tout le monde s'en attendait. Les informations que j'avais de la famille, parce que de temps en temps, je parlais avec Martin ou avec des relations de Martin, son fils, que. Parce que Guy était tellement affaibli les 3 derniers mois que je veux dire, c'était presque le déranger, à moins d'un événement bien spécial. Je laissais ça à mes confrères à Montréal, dans les grands quotidiens ou encore. Guy était plus, il n'avait plus de voix, la difficulté à parler. À la fin, juste avant qu'il nous quitte, écoute, Guy, c'est un gars costaud, hein? C'est un gars fait d'un bloc, puis à la fin, il pesait à peine 170 livres. Donc, il était vraiment devenu très amaigri. Un gars en santé, comment il était en santé? Oh, c'est un 200 livres solides, là. 200, 205. OK, OK. En 195 puis 200, mais OK. planté. Guy, d'ailleurs, si tu regardes sa morphologie, c'est un des rares athlètes qui n'a pas pris de poids là, avant qu'il soit malade. Il était OK. tellement, tellement fait solide. Et pourtant, il n'avait pas la meilleure hygiène de vie au monde, là, tu Non, comprends? non, non, non. Donc, c'est un naturel, comme on dit. Mais est-ce que, évidemment, que tout le monde a perdu des gens qui décèdent, quand on voit quelqu'un souffrir comme ça, qui dit, regarde, enfin, il est heureux. C'est ça. D'ailleurs, je pense que j'ai vu un post de sa femme, puis c'est à peu près ça qu'elle a dit, t'as fini de souffrir finalement. Ben, écoute, quand tu souffres autant, tu n'as plus de qualité de vie. Guy, c'est pas un gars qui est resté enfermé dans la maison. Il a passé sa vie à aller, outre sa carrière de hockeyeur, où il s'est promené partout. Guy refusait jamais de promotion. Il refusait pas d'événements, sinon son calendrier, ça fonctionnait, surtout après sa carrière. Donc, c'est un gars qui aimait le monde et le monde l'aimait. Donc, quelque Ouais. part, il restait pas dans la maison, Guy. Donc, se retrouver, même s'il aimait sa femme puis ses enfants, ses petits-enfants, et même s'il vivait quand même une belle qualité de vie familiale, c'est un gars qui a toujours été à l'extérieur de chez lui parce qu'il voulait redonner au peuple. Il sentait tellement qu'il faisait du bien au monde quand il sortait, que donc, quelque part, il a passé sa vie à ne pas être là. Se revoir du jour au lendemain, quand tu étais un athlète comme ça, un gars qui grouillait partout, qui était partout et qui était bien avec le monde, te retrouver du jour au lendemain. T'es souffrant dans ton Ouais. lit à 20 heures par jour, tu n'as plus de qualité de vie, tu Ah, veux. t'es aussi bien parti. Tom, je t'ai demandé de te parler parce qu'évidemment, c'est toi qui avais sorti le scoop à l'époque de Guy Lafleur avec les Rangers de New York. Tu avais eu de bonnes sources en information. D'abord, quand tu as un scoop demain, comment tu réagis comme, en tant que journaliste? Ben écoute, d'abord, il faut que tu sois sûr de tes informations. Ouais. J'en ai sorti quand même quelques-uns au cours de ma carrière. Mais c'est les deux plus gros, c'est Gretzky puis Lafleur, ça, c'est les deux plus gros pour moi. Ouais, Gretzky, Lafleur, puis bon, l'autre, c'est pas un scoop, mais avoir eu l'initiative du trophée Maurice Richard, pour moi, Ouais. c'est encore aussi glorifiant que d'avoir des scoops. Mais dans le cas de. C'était très particulier, parce que je venais de sortir la primeur de Gretzky. Ça a mis quand même 4-5 jours avant que ça soit officialisé par tout le monde. Puis Yves Tremblay, qui était l'agent, j'étais très proche d'Yves Tremblay, l'agent de Guy Lafleur à l'époque. Puis on se parlait quand même régulièrement. Puis ça a d'ailleurs été un élément enclencheur. J'écoutais hier encore. Yves Tremblay, on sortait une vieille émission de Guy avec Yves, qui était à l'émission de Denis Lévesque à TVA. Et Yves rappelait encore le moment. Il dit, quand Tom est sorti à la primeur, que Gretzky, tu sais, je veux dire, Gretzky changeait d'équipe, ouais. J'ai à Guy, qui s'entraînait déjà parce qu'il avait envie de revenir, s'entraînait en solo, centre sportif Laval. Il ne voulait pas se faire voir de personne, sa décision n'était pas prise. C'était un des éléments moteurs et motivateurs qu'il a pris au téléphone. Il dit, Guy, il faut que tu reviennes. Gretzky vient. Gretzky, là, tu ne pourras pas t'en vouloir de porter un autre chandail parce que Gretzky vient de passer des Oilers d'Edmonton. Personne Ça se n'aurait pensé. faisait pas à l'époque, là. Ça se faisait pas à l'époque, là. Donc, Normalement, aujourd'hui, peut-être que Guy Lafleur aurait jamais pris sa retraite, mais dans le contexte aujourd'hui, mais il aurait été échangé, mais à l'époque, ça se faisait pas. Ben, c'est ça. Donc, vu que Gretzky l'a fait, Yves, il y a eu le bon argument. Je veux dire, Ouais. regarde, maintenant, plus personne ne va dire pourquoi tu vas jouer pour une autre équipe. Gretzky le fait et ça a créé le mouvement. Donc, ça a motivé Flower. Puis moi, je savais Guy, je veux dire, on se tenait pas mal dans les mêmes endroits. Puis un soir, justement, il y avait un endroit où il allait souvent, puis je connaissais bien son serveur. Puis le serveur, quand je suis arrivé le soir, il dit « Guy vient de passer ». Puis, il n'arrête pas de dire, il est prêt à revenir, il est prêt à revenir. Lui, il ne comprenait pas, tu sais, il est prêt à revenir, il va revenir où? Ainsi de suite. Moi, j'avais déjà des échos de ça. Donc, ça n'a pas pris plus que 30 secondes que j'ai pris mon téléphone. À l'époque, c'était les premiers, d'ailleurs, je me rappelle. J'ai été un des premiers journalistes à avoir les gros téléphones. Ouais, c'est là quand tu parles Dans d'Italie. l'auto. Ouais. J'étais dans ma voiture, il était 10 heures le soir, j'ai appelé Yves, je dis, regarde. Il faut que tu arrêtes là parce que je t'en ai assez donné de. Ça marchait comme ça dans le temps. Hein. Si tu disais, hey, tu m'as demandé de couvrir ton événement, tu m'as demandé de faire ci, puis de faire ça, tu m'en dois une ou deux, puis là, tu m'en dois une grosse parce que j'ai l'information que Guy va revenir. Il revient avec qui? Et là, il s'est mis à bégayer, puis finalement, ben, il a craché le morceau, comme on dit. Il a dit, regarde, OK, ton information est bonne. Guy est approché. Il va aller faire une séance d'entraînement avec les Rangers de New York, séance médicale. Si tout se passe bien, il va signer avec les Rangers de New York. Tu sais, je l'aurais vu, mêlé dans le contexte d'aujourd'hui, Tom, je l'aurais vu que Mario Lemieux, au côté de Mario Lemieux, ça aurait été tout qu'un retour, non? Ou il était peut-être pas. Que s'il est capable de faire 50 buts à Warren Young, Mario aurait été capable de faire 30 buts faciles à Guy Lafleur, même à 37 ans. Mais Ben, compter quoi, 18 après son retour? Ça ouais. serait le gros. Ouais. Mais les Rangers n'avaient pas une bonne équipe. Là. Je suis Non. d'accord avec toi. Un matin, il avait joué à côté de Gretzky à Los Angeles. Il avait joué à côté Mario. de Mario Lemieux à Pittsburgh. Il a eu une meilleure production. Mario, puis moi, parce que Guy était quand même avait connu les meilleurs moments de sa carrière. C'est encore un très joueur, très bon joueur, un joueur flamboyant qui pouvait marquer des buts et qui pouvait surtout inspirer une équipe. Parce que la présence de Lafleur, quand il est arrivé, ça n'a pas pris de temps. Quand il a rencontré Phil Esposito, il l'a vu. Ouais. Il a dit que c'est un gros centre. Les Rangers n'allaient pas bien là, depuis un petit bout de temps. Donc, c'est toujours ça. Rappelle-toi, c'est à l'époque où les gros coups, c'est les Islanders qu'ils avaient fait en gagnant 4 de suite. En début des années 80, c'était suivi de 4 de suite par les Oilers d'Edmonton. Il ne restait pas grand-place pour grand d'autres personnes. Les Canadiens avaient gagné entre les deux Coupe Stanley en 86. Donc, dans la décennie, les Rangers s'étaient fait écouter. Donc, c'est un gros coup également de marketing de ramener. Ben, on avait amené Michel Bergeron un peu pour relancer la concession aussi, rappelle-toi là, de ça. Là. Tu sais, aussi, c'était ça qui était un petit peu. Mais écoute, c'est pour toi, là, Tom, là, qui était un des grands journalistes dans les années 80, 90, plus 80, là, de voir Mike Bossy et Guy Lafleur, ça doit te faire de quoi? Dans la même semaine, nous autres, ça nous fait de quoi? Puis on était un peu jeunes. Tu sais, moi, je l'ai vécu à l'époque, mais je commençais à peine à suivre le hockey, là. Mais toi, qui étais dans le cœur de l'action, ça doit être spécial un peu. Ben, ça fait peur parce que je suis dans le âge, puis à un moment donné, Ouais. ça te fait réfléchir. Tu te dis, écoute, ça tombe de partout en ce moment. Je travaillais sur un gros projet de jeu de télévision, puis je travaillais avec le réalisateur Jean Guimont. Jean Guimont qui a gagné 3 prix Gémeaux, puis lui aussi du jour au lendemain, alors que personne ne s'en attend. Il est mort devant sa table de cuisine froidement. Donc, après, s'est étouffé. Donc, il arrive tellement de choses que ça te fait réfléchir, puis ça te fait apprécier. Mais dans le cas des deux gars, moi, je sais bien que je n'aimerais pas me retrouver du tout dans leur situation, mais dans le cas des deux, ils étaient tellement malades que quand tu n'as plus de qualité de Ben vie, non, pas si la fleur, c'est spécial. tu t'appelles Lafleur ou tu t'appelles Mike Bossy, c'est sûr. Et moi, étant donné que les athlètes ont leur meilleur moment à leurs 20 ans, puis à leurs 30 ans, ou quand ils arrivent du junior jusqu'à temps qu'ils accrochent les patins, ou le bâton, ou ailleurs, ça veut dire que. Moi, je les ai connus dans leur prime, je les ai connus. Donc, ma tête est remplie de beaux souvenirs. Parce que encore beaucoup plus avec Guy. Parce que Guy joue à Montréal. Puis Guy, c'est moi qui avais lancé le projet après la retraite de Guy. Gilles Lupien, puis une couple d'anciens me disaient, Tom, Tu peux-tu nous donner un coup de main à lancer les anciens, mais d'une nouvelle formule? Je leur avais trouvé une commandite, une grosse commandite, Petro-Canada. Puis ça avait marché durant plusieurs années, les anciennes Petro-Canada. Et Guy Lafleur avait porté. Et là, c'est quand tu voyais jouer Flower avec les anciens, tu te disais, mais ouais, pourquoi qu'il a arrêté? Tu sais, t'as tellement une coche au-dessus d'eux autres, puis ils ne forçaient pas là, vraiment. Mais donc, non. Tu voyais donc le fait qu'il s'est remis à jouer. Bah, mais Guy a arrêté parce que c'est un. Guy, tu ne peux pas tricher avec Guy. Guy, il ne trichait pas sa glace. Puis il ne voulait pas que tu triches avec lui, puis tu mentes avec lui quand il était dans l'organisation du Canadien. Quand ça s'est mis à moins bien aller, qu'on raconte n'importe quoi, il aurait aimé que le maire, qui était son coéquipier, ait des franches discussions avec lui, plutôt qu'il joue un peu dans le dos en y expliquant pourquoi il joue moins ou pourquoi, pour qu'il y ait au moins une discussion, puis ça n'amenait jamais à ça. C'était juste, il faisait paraître, écoute, t'es moins bon, on va te donner moins de temps de glace, même si tu t'appelles Guy Lafleur. Et Lafleur lui a toujours été. C'est pour ça que le monde. C'est pour ça que pour moi, Lafleur ressemble tellement et beaucoup plus à Maurice Richard qu'à Jean Béliveau. Parce qu'avec Lafleur, t'avais leur juste tout le temps. Un peu comme Patrick. Un peu comme Patrick aujourd'hui. Ouais, Patrick a encore des choses à apprendre. Il n'a pas l'âge des deux, là. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à apprendre dans certaines sorties. Ça, c'est bien personnel. Ouais. Mais c'est pas blanc et c'est pas noir. C'est blanc ou noir avec Patrick. C'est ça l'affaire. C'est ça que tu veux dire. C'est un peu dans le sang. Oui, tandis que Claude était direct, mais était capable d'arriver avec des décisions beaucoup plus songées que Patrick, qui souvent est parti sur des coups de tête. Lui aussi est parti sur un coup de tête, là, je veux dire, sa première retraite. Mais c'est un gars qui était entier. Puis quand ça ne faisait pas son affaire, il s'en disait que son propriétaire s'appelait Molson ou s'appelait, ça changeait après. Ouais. Lui, il disait, moi, je joue, j'ai un statut et je vais te payer en fonction de... Même chose quand tu étais son rôle d'ambassadeur, ça n'a pas très bien été ces dernières années. Je me rappelle avoir eu quelques discussions parce qu'il... Ben, il s'est fait avoir. C'est ça, je parlais avec du monde. Là. Je l'ai fait plusieurs entrevues. Là, puis je lui ai posé la question. Est-ce que dans le fond, sa bonté a fait qu'on a profité un peu de lui aussi? On fait pareil avec Maurice aussi. Je crois qu'on en a un peu se faire, je comprends, qui se fait représenter par du monde. Que ces gars-là étaient habitués. C'est la vieille époque où ça se donnait une poignée de main puis tu disais, il y a un bout de papier puis ça va durer tant de temps puis tu vas toucher tant. Puis c'est fini. Là, maintenant, évidemment, tu as des agents, tu as du monde qui s'en mêle, qui joue. Maintenant, tu ne peux plus rien faire sans parler à un agent. Donc, tu n'as plus de fun. Comme avant, donc, Guy venait de cette époque-là où il disait, regarde, donc, à partir du moment où il se sent sous-payé dans son rôle, c'est pour ça que, heureusement, je veux dire, à la fin de sa vie, il a fait quelques opérations, il a pu gagner. Son alcool s'est très, très bien vendu. Son gin, son vin, puis ça va continuer à se vendre. Donc, si ça a pris de la valeur, certainement. Hey, dernière question, Tom, avant de te laisser. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu avais un projet de Coupe Molson. Où ça en est rendu? Là, est-ce que ça a monté? Est-ce que tu vas relancer ça? C'est sûr que ça aurait été le fun que ça se fasse, que Guy voie ça de son vivant. Mais moi, on t'a perdu? Je pense à la communication, moi. On t'a perdu, Tom. On va donc. Ça a gelé, là. Oui, ça a gelé. Donc, Tom, on va te laisser. La ligne est mauvaise. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis, au plaisir de se parler. Puis, je pense que. Merci beaucoup. Hier, on a vu que tu étais très touché. Donc, merci beaucoup. On va s'en parler tantôt. Voilà, donc, l'ancien journaliste qui a travaillé sur. Merci beaucoup. Au revoir. Le journal de Montréal des années 80, Tom Lapointe.